et de fleurs, tout frissonnant dans un mirage de couleurs. Il nous attend, et si dans son lit charmeur, que simplement je veux cacher notre bonheur. Le bateau des îles, le bateau des amoureux, sur la mer tranquille, va partir sous le ciel bleu. Viens, viens loin des villes, exilé sur le rivage, reviens. Le bateau des villes n'attend plus que nous deux. Thank you.